Le cartel, il vend des litres. On a le dos contre la boîte aux lettres. Bordel, on commet des délits. On vend comme des chiens, mais ils tendent la patte au maître. T'inquiète, je gère le délire. À des brisages, c'est pas au mec. Clochons dans le périmètre. Bourré de poche par roumaine. Pression dans le baromètre. Asics, RTR, Air Max. Kiwi, booster, 1000. Mani dans le bloc, on a l'air mal. En solo comme des hermites. Igo, je me brûle en effet. On sait que je les pêche, mais gros, personne le sait. Allez, envoie ta prod en fête. Faut plus voir que tu te fais violer par un 9-16. Je vois pas que t'as hâte les plus gros bouquets. Si je mets ma recharge dans le fion, j'ai trotté un 10 dans le caleçon. Ceux qui se reconnaissent, putain, ils m'ont pas le son. On me dit le rhum, faut pas laisser. Toi-même, tu sais, même ton poteau le sait. Récolte arc-en-ciel ou harlequin. Toi-même, tu sais, même ton poteau le fait. Bim, nouveau but de Suarez. Trop à l'aise, vol faut des soirées. C'est la rap dans nos soirées. Bouteillé comme dans une boîte, on est full après. Bim, nouveau but de Suarez. Trop à l'aise, vol faut des soirées. C'est la rap dans nos soirées. Bouteillé comme dans une boîte, on est full après. Et c'est reparti mon conillo. Il m'a cogné, ce putain de verre de cognac. Donne ta recette ou le confio. Elle faut se manier, y'a le feu capriolac. J'fais le terrain comme Dybala. Fin de soirée KO, j'ai 78 balais. Au check, on a fait les 10 balades. On veut hectares qui poussent sur 7 ou 8 palais. La street en YZ. On visse les BMX. Y'a du pilon, y'a de la Z. T'as cette manie, on fait un mix. J'roule un peu de Zeb, je mets 3 Z. J'suis dans le bâti comme les 3 F. Et puis Hendex, je les ai croisés. Sur une descente en fond de troisième. Je vois pas que t'as hâte les plus gros bouquets. Si je mets ma recharge dans le fion. J'ai trotté un 10 dans le caleçon. Ceux qui se reconnaissent, putain, ils m'ont pas le son. On me dit le hem, faut pas laisser. Toi-même, tu sais, même ton poteau le sait. Récolte arc-en-ciel ou harlequin. Toi-même, tu sais, même ton poteau le fait. Bim, nouveau but de Suarez. Trop à l'aise, vol faut des soirées. C'est la rap dans nos soirées. Bouteillé comme dans une boîte, on est full après. Bim, nouveau but de Suarez. Trop à l'aise, vol faut des soirées. C'est la rap dans nos soirées. Bouteillé comme dans une boîte, on est full après. Bim, nouveau but de Suarez. Trop à l'aise, vol faut des soirées. C'est la rap dans nos soirées. Bouteillé.